Chapitre 50. Monsieur Honorat, viticulteur. C'est triste et l'âme en mélancolie que je reprends, me l'étant promis ses mémoires, 6 mois durant, interrompus par le bonheur, comme jadis le télégraphe l'était quelquefois par le brouillard. Le bonheur, oui, je l'ai connu du jour où j'épousais Norette, un bonheur tranquille, ingénu, que rien n'eût altéré sans le deuil qui, subi, vint assombrir de ses crêpes la douce lumière persistante de notre lune de miel. Le mariage accompli, que de poudre brûla la bravade à cette occasion et que de peaux frais égorgées en guirlandèrent le portail rustique de la demeure des Gazans. Un certain calme, après tant d'événements, régnait de nouveau sur le puget mort. Quantôme, désillusionné, s'en est retourné à la petite Camargue. Un peu d'amour le tient encore, mais la mère le consolera. Il monte nous voir une fois par semaine, tantôt avec Tardive, tantôt avec Patron Ruff, et nous apporte du poisson ou des coquillages. Nous avons d'ailleurs le projet d'aller passer tout un printemps dans leur cabanette agrandie, et Norette s'enthousiasme à l'idée de dormir sous le joli plafond de velours vert sombre que fait l'envers d'une toiture en roseau d'étangs longs empanachés. La maison est restée la même, toujours vieille et blanche, avec sa cour si fraîche qu'une treille recouvre son étroit jardin, suspendu, que parfument la sauge et le romarin. On n'a seulement pas touché au pavé du passage d'âne, bien que Galfard, décidément vaincu par ma générosité, ait cédé l'écurie du fond et mis ainsi fin à des dissensions séculaires avant d'entreprendre un voyage aux Indes dont M. Honorat a voulu faire les frais. Salada nous appartient. Il habite l'écurie en compagnie de Misegiano et Saladine, insensiblement, s'accoutume à lui donner le nom de son défunt mari. J'essaye de me remettre au travail et le bon abbé Seb, comme autrefois, m'emprunte mon fusil lorsque l'occasion s'en présente. Du reste, nos chasses archéologiques, nos stations devant des pierres frustes n'ont cessé d'offusquer les paysans. Personne ne songe plus au trésor du roi de Majorque. Personne, sauf Peuparle, qui, un instant troublé par ses aventures, retourne maintenant s'asseoir à sa place ordinaire. Dessous, le rocher de la chèvre est taciturne tant que le soleil dure, continue son rêve interrompu. Quant à Norette, que dirais-je? Norette ne ment point au pronostic contenu dans le panier des 3 vieilles femmes. Toujours bonne comme le pain, pure comme le sel, laborieuse comme la quenouille. J'espère, d'ici à peu, lui voir faire honneur au 4e souhait. Elle m'en a dit quelque chose à l'oreille. Patron Ruff sera le parrain. Monsieur Honorat ne tient pas à sa place depuis qu'il a l'espoir de se voir grand-père. Le Turc, qui était en lui, disparaît. Plus de sieste l'après-midi, plus de ces interminables heures oisives qu'il passait assis, sans penser, en fumant des pipes. Un besoin continu de mouvement, une activité toute juvénile. « Soyons vivaces !» répète-t-il. « Monsieur Honorat veut que son petit-fils ait la fortune et dans ce très louable dessein s'est mis en tête de reconstituer les vignobles du puget mort. D'après lui, le vin autrefois coulait par les ruelles du village, comme coule l'eau après qu'il a plu. C'est pour cela que toutes les maisons ont de si vastes caves, avec des cuves briquetées pareilles à des tours et des tonneaux de pierre taillés en prévision des années exceptionnelles où les tonneaux de bois ne suffisaient pas. Mais voilà, à force de trop lui demander, l'homme a fini par fatiguer la vigne. Dire que depuis Noé, nous avons toujours marché par boutures et que jamais l'idée n'est venue à personne de rajeunir à l'aide de semis, ces plants je ne sais combien de fois centenaires. Comment veut-on qu'avec une telle hygiène, le divin bois tordu ait conservé sa force et puisse désormais, plus mou que l'amadou, résister à la dent vorace des invisibles ennemis qui, de tous côtés, s'abattent sur lui. Aussi, l'odium, le mildiou, le phylloxéra, que sais-je encore, ont raison de cette proie facile. Rendons à la vigne des moelles fermes, une dure écorce, rien de tout cela n'y mordra plus. Théorie d'une simplicité vraiment lumineuse. Monsieur Honora, par patriotisme, répugne à l'emploi des plants d'Amérique, lesquels d'ailleurs ne produisent qu'un faux vin. Monsieur Honora sèmera des pépins de grappes françaises, choisies parmi les meilleures crues. L'angle du jardin, chaud comme une serre, est déjà tout en plate-bande. Il faudra peut-être 5 ans, 10 ans, avant que ces pépins aient convenablement enraciné. Qu'importe, la mère des jours n'est pas morte. En attendant, pour occuper son impatience, Monsieur Honora dirige une escouade de paysans, dont la mission est d'arracher avec soin, sans offenser le chevelu, au fond des vallons, sous les taillis, tout pied de la brusque, en mêlant aux branches d'un pin ou d'un chêne, ces flexibles sarments chargés de raisins aux grains menus et rares. La vigne sauvage est la vraie vigne et vaut tous les jaquets du monde. Après quoi, on repique à grands frais les pieds ainsi conquis sur une lande caillouteuse, inculte immémoriablement et dont M. Honora s'est découvert propriétaire. Excellent M. Honora, je n'ai pu résister à la démangeaison de railler un peu ses méthodes. Bah, répondit-il, ce ne sont là que des essais, et pour triompher, je compte avant tout sur les graines. Puis me montrant la dégringolade des collines qui descendaient de sa vigne future jusqu'à la mer, il ajouta, riant de son rire, « En tout cas, mauvais ou bon, si le phylloxéra vient manger mes plants, il faudra, pour grimper si haut, qu'il ait soin de se commander une paire de jambes neuves. » Un soir, M. Honora est rentré, ruisselant et transi, ayant voulu, malgré la pluie, une pluie d'automne glacée, rester à surveiller ses planteurs de la brusque. Il a boudé la soupe. Lui, d'ordinaire si gai mangeur. Il a regagné sa chambre, symptôme grave, sans allumer sa pipe. Le lendemain, M. Honora a gardé le lit, et Saladine s'est alarmée. Gazan couché, Gazan perdu, répétait-elle en cachant ses larmes. Je ne m'y trompe pas, c'est le troisième dans la maison dont j'aurais été la triste habilleuse. J'ai dû la faire taire à cause de Norette.